L'actualité à Nancy et ailleurs. La Mutualité Sociale Agricole, la MSA Lorraine, renouvelle pour 2022-2023 son concours appel à projet jeune Mieux vivre en milieu rural. Camille Arnoux, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante sociale à la MSA Lorraine. Alors expliquez-nous déjà tout simplement en quoi consiste ce concours qui est à destination donc des jeunes de 13 à 22 ans. Ce concours, en fait, c'est pour récompenser des jeunes qui mettraient en place des projets, des initiatives dans leur territoire en milieu rural. Des jeunes de 13 à 22 ans qui sont affiliés à la MSA, mais pas seulement. S'ils vivent aussi en milieu rural, ils sont concernés. Tout à fait. Il n'y a pas besoin d'être automatiquement affilié à la MSA. L'idée, c'est vraiment l'animation du milieu rural. Donc, il faut qu'ils soient au minimum 3 et qu'ils habitent en milieu rural. Alors, ce qu'on appelle milieu rural, c'est commune de moins de 15 000 habitants. Donc, ça laisse quand même... Ça reste très large comme possibilité. Ça reste large, hein. Tout à fait, oui. Et depuis quand ça existe, ce dispositif ? Alors, c'est un dispositif qui existe depuis très longtemps et nous, en Lorraine, on le mène depuis les années 2000. Et ça représente quoi alors pour la MSA de porter ce genre de projet pour ces jeunes ? Ça dépend en fait de notre politique d'action sociale. Donc, c'est pour ça que c'est le service social qui porte ce dispositif. Politique d'action sociale parce que l'idée, c'est d'animer en fait le milieu rural et du coup de récompenser ces jeunes dans leur prise d'autonomie, dans leur prise de responsabilité à travers les projets qu'ils peuvent mener. Alors, on peut peut-être donner des exemples de projets qui ont été récompensés les années précédentes. Est-ce que vous pouvez nous en citer un ou deux ? Oui, alors il y a eu par exemple des jeunes qui ont organisé un grand jeu, un cluedo géant à l'échelle de leur petite commune et qui avait rassemblé beaucoup de personnes. Alors ils avaient fait toute une recherche sur l'histoire de leur village et ils avaient constitué une histoire et du cluedo, résoudre une enquête. Ils avaient organisé des équipes, ça avait fait une grosse animation dans leur village. Il y en a d'autres qui organisent par exemple des concerts, animations. Alors pareil, autour d'une thématique, en essayant de favoriser les produits locaux. Donc là, c'était plutôt un aspect plutôt culturel sur la musique. Après, il y en a qui ont mis en place une pièce de théâtre pour sensibiliser sur des sujets de société, sur les discriminations, sur l'écologie, sur des thèmes un peu comme ça. Il y a toujours une dimension un peu citoyenne, en fait, dans les projets qui sont menés. Il y a des thématiques qui reviennent régulièrement aussi, donc la citoyenneté. Donc, c'est ce que vous attendez pour la prochaine session aussi. Ça reste quand même très ouvert. Ça peut être du loisir, des concerts, etc. On a des thématiques qui sont listées, en fait, dans les critères. Donc, on a effectivement tout ce qui est culture et événements grand public. On a tout ce qui concerne l'éducation et exercice de la citoyenneté, la lutte contre les violences et les discriminations, l'inclusion des personnes fragiles, la prévention santé, tout ce qui est environnement et économie sociale et également la promotion d'agriculture. Voilà, ça, c'est les grandes thématiques qui sont listées dans le règlement de l'appel à projet jeune. Donc, cet appel à projet, il court jusqu'à mi-octobre de cette année. Donc, on a jusqu'à cette date pour déposer un projet sur le site qu'on citera après. Et quel accompagnement vous proposez, vous, au sein de la MSA ? Parce que c'est ouvert de 13 ans à 22 ans. Alors, effectivement, l'idée vient d'eux. C'est eux qui veulent mener des projets. Ils sont souvent quand même accompagnés parce que, effectivement, 13 ans, ça peut être jeune. Donc, ils sont souvent accompagnés, des fois par des associations d'éducation populaire, associations locales, en fonction de leur territoire. Donc, ils sont accompagnés souvent par des adultes. Nous, on les accompagne plus dans le dépôt du projet, pour formuler leur projet, de remplir le document. Et ensuite, on les invite à passer une audition devant notre jury. Donc, ils doivent présenter leur projet, le défendre en fait. Et donc, on les accompagne jusque-là. Tous les jeunes qui proposent une candidature, nous, en fait, on vérifie avant s'ils rentrent bien dans les critères d'éligibilité du dispositif. Et ensuite, on leur propose une audition. Donc, quand ils viennent à l'audition, ils seront dans tous les cas récompensés. Donc, il n'y a pas de perdant. Non. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas tenter sa chance. Tout à fait. Alors, comment on fait ? Eh bien, on remplit donc le dossier de candidature avant le 17 octobre. Ensuite, donc, on leur propose de venir présenter leur projet donc, à l'occasion de cette audition. Et ensuite, le jury attribue un prix et on organise en janvier, généralement, une remise des prix. Et ensuite, les jeunes peuvent concourir à une seconde échelle, à l'échelle nationale. C'est-à-dire que chaque caisse MSA qui participe à l'appel à projet jeune peut faire remonter jusque 2 dossiers par département au niveau du national. Et là, il y a à nouveau un jury national qui va étudier en fait tous ces projets-là et qui peut attribuer un second prix. D'accord. Donc, c'est arrivé que dans nos projets locaux, certains soient récompensés également au niveau national. Plein de bonnes raisons. Donc le site internet pour déposer son projet, c'est lorraine.msa.fr, c'est ça ? Oui. Le mieux, c'est de prendre contact avec moi directement, donc au 03 83 50 35 06. Des coordonnées, bien sûr, qu'on trouvera sur le site de la radio fadjet.net avec le podcast de cet entretien. Un dernier mot peut-être, Camille Arnoux, pour donner envie aux jeunes de se lancer ? Eh ben, on n'est jamais déçu de tous les projets qui sont proposés. Moi, je pense qu'il y a plein de jeunes qui font des choses sur leur territoire et qui ne connaissent pas en fait ce dispositif et qui pourraient le solliciter. Et au-delà des prix qu'on peut accorder, au-delà de la dimension financière, moi, je trouve que c'est aussi mettre en lumière en fait les choses qu'ils peuvent faire. Camille Arnoux, merci beaucoup pour cette présentation donc de cet appel à projet pour les jeunes de 13 à 22 ans affiliés à la MSA ou alors en vivant en milieu rural, et le milieu rural, c'est les communes de moins de 15 000 habitants. Merci à vous. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.